Chapitre 3. Jésus accompagné des disciples alla d'abord au nord-ouest, en suivant la vallée, jusque vis-à-vis la petite rivière qui l'arrose au nord. Alors ils prirent une direction plus septentrionale, et après avoir fait environ 5 lieues, ils arrivèrent dans la nuit à une hôtellerie isolée, où il n'y avait qu'un abri, un foyer et des places pour se coucher. Il y avait dans le voisinage un puits, qui remontait aussi à Jacob. Les disciples recueillirent des branchages et des fruits sur les hauteurs situées à l'est, et ils allumèrent du feu. Sur le chemin, Jésus, à plusieurs reprises, avait eu des entretiens prolongés avec eux, ce qu'il avait fait surtout pour l'instruction de Thomas, de Simon de Manathem, du petit Cléophas, et en général des nouveaux disciples. Il parla des conditions exigées pour le suivre, dit qu'il fallait abandonner tout ce qu'on avait, sans regret et sans retour, et que s'ils étaient bien pénétrés du peu de valeur des biens terrestres, ils retrouveraient tout cela multiplié par 1000 dans son royaume. Il leur dit aussi qu'avant de renoncer ainsi à tout, ils devaient examiner mûrement s'ils en étaient capables. Judas Iscariote ne plaisait pas beaucoup à quelques-uns des disciples, ainsi qu'à Thomas. Il déclara ouvertement à Jésus que ce Judas fils de Simon ne lui plaisait pas, qu'il disait trop aisément oui et non. Il lui demanda pourquoi il l'avait admis quand il se montrait plus difficile pour d'autres. Jésus répondit d'une manière évasive faisant allusion au décret divin rendu de toute éternité, sur lui comme sur tous les autres. Lorsque les disciples se furent retirés pour dormir, Jésus alla seul dans la montagne et y pria pendant la nuit. Aujourd'hui de grand matin, quelques habitants de Sunem, qui est à 2 lieues à l'est, vinrent trouver Jésus à l'hôtellerie et le prièrent instamment de venir les visiter le lendemain, car ils avaient des enfants dangereusement malades. Ils pouvaient les guérir, et précédemment ils l'avaient déjà attendu en vain. Jésus leur répondit qu'ils ne pouvaient pas y aller pour le moment, parce que d'autres l'attendaient, mais qu'il leur enverrait de ses disciples. Ces gens répondirent qu'ils n'y avaient pas confiance, que quelques-uns d'entre eux étaient déjà venus chez eux et qu'ils n'avaient point opéré la guérison désirée. Jésus les exhorta à la patience et ils se retirèrent. Jésus se dirigea alors vers Endor avec les disciples. Sur le chemin de Dothan à Endor, on trouve 2 puits de Jacob, où ses troupeaux allaient boire. Il avait à ce sujet des querelles et des combats continuels avec les Amoréens. Enfin, ils voulurent aussi le chasser de l'héritage de Joseph, situé dans le voisinage de Samarie, où Jacob résista et on vida la querelle dans un combat singulier où Jacob fut vainqueur, et après lequel il y eut un traité. Lazare a des champs près de Jisraël, avant Endor. Joachim et Anne en avaient à 2 lieues au nord-est d'Endor, et Anne accompagna Marie jusque-là lors du voyage de Bethléem. Ce fut là qu'ils prirent un âne, qui fut donné à Joseph et qui courait en liberté devant lui. Joachim et Joseph avaient aussi des champs qui se touchaient de l'entre-côté du Jourdain, à peu de distance de Gazer. Ils avaient pour limite au sud-est le désert et la forêt d'Ephraïm. Ce fut sur ce bien que Joachim alla se cacher pour prier lorsqu'il revint du temple, si triste, et il y reçut l'ordre d'aller à Jérusalem où Anne le rencontra sous la porte dorée. Jésus, en quittant l'hôtellerie où il avait passé la nuit, fit encore 2 lieues au nord dans la direction d'Endor. Il n'entra pas dans la ville, mais il resta dans une hôtellerie faisant partie d'un groupe de maisons, qui se liait à Endor en remontant la pente de la montagne. Il enseigna beaucoup de personnes, qui se rassemblèrent bientôt autour de lui, convoquées par les disciples. Sur la demande qui lui en fut faite, il entra dans quelques maisons et guérit des malades, dont plusieurs avaient été amenés d'Endor. Parmi ces derniers se trouvaient des païens qui se tenaient à quelque distance. Il vint aussi un païen d'Endor avec un petit garçon de 7 ans qui était possédé d'un démon muet et que souvent on ne pouvait maîtriser. Lorsque cet homme s'approcha de Jésus, l'enfant devint tout à fait furieux, s'arracha des mains de son père et alla se blottir dans une grotte de la montagne. Alors le père alla à Jésus et se jeta à ses pieds en pleurant. Sur quoi Jésus alla à la grotte et ordonna à l'enfant de venir devant son Seigneur. Celui-ci sortit d'un air humble et se prosterna devant Jésus, qui lui imposa les mains et ordonna à Satan de se retirer. Aussitôt l'enfant tomba comme évanoui pour quelques moments, et je vis une sombre vapeur sortir de lui, Après quoi il se releva, courut à son père et lui parla. Celui-ci l'embrassa et se prosterna de nouveau avec lui devant Jésus pour lui rendre grâce. Jésus donna des avis au père et lui enjoignit d'aller se faire baptiser à Arnon. Jésus n'entra pas dans Endor. Le faubourg où il était mieux bâti qu'Endor même, parce qu'il était plus près de la route. Endor a quelque chose de mort et d'abandonné. Une partie de la ville est déserte et on y voit des murs en ruine. Il semble que l'herbe croît dans les rues. Il s'y trouve beaucoup de païens soumis à une sorte de servitude, à raison de laquelle ils sont astreints à des travaux publics de toute espèce. Le peu de juifs riches qui y habitent viennent faire le guet d'un air effrayé à la porte de leur maison et regardent souvent derrière eux, comme s'ils craignaient qu'on ne leur dérobe leur argent quand ils ont le détourné. Jésus alla d'ici à une lieue et demie ou deux lieues au nord-est, à l'entrée d'une vallée qui va de la plaine d'Hédrolon au Jourdain le long du versant septentrional des montagnes de Gelboé. Il y a une arête élevée au milieu de cette vallée. Elle est arrosée par un petit cours d'eau qui se gêne dans le Jourdain. Il passe d'abord au midi de cette arête, puis il la coupe et se dirige vers le nord pour se rendre au Jourdain. Dans cette vallée, sur une éminence isolée comme une île, est située Abbé, ville de moyenne grandeur, entourée de jardins et d'avenues, près de laquelle passe le petit cours d'eau. Un quart de lieue plus à l'est dans la vallée, se trouve un beau puits appelé Puits de Saul, parce que c'est là que Saul fut blessé. Jésus n'entra pas non plus dans cette ville, mais il contourna la pente septentrionale des montagnes de Gelboé, et passant au midi de la ville, il se dirigea vers un groupe de maisons, entremêlées de jardins et de champs. Il y avait aussi là de grands tas de blé. Jésus entra dans une hôtellerie où l'attendaient des vieillards et des femmes alliées à sa famille. Ils lui lavèrent les pieds et lui témoignèrent une déférence sincère et affectueuse. Ils étaient au nombre de 15, 9 hommes et 6 femmes. Ils lui avaient fait dire qu'ils désiraient se rencontrer ici avec lui. Plusieurs avaient avec eux des serviteurs et quelques enfants. C'étaient des gens très âgés, parents d'Anne, de Saint Joachim et de Joseph. L'un d'eux était un demi-frère de Joseph, plus jeune que lui, qui demeurait dans la vallée de Zabulon. Un autre était le père de la fiancée de Cana. Il y avait aussi cette parente d'Anne, des environs de Séphorie, chez laquelle il avait guéri l'enfant aveugle avant son dernier séjour à Nazareth. Ils s'étaient réunis et étaient venus ici sur des ânes pour voir Jésus et pour lui parler. Ils désiraient qu'il choisît quelque part un domicile stable et qu'il cesse de courir le pays. Il voulait lui chercher un endroit où il peut enseigner tranquillement et où il n'y eut pas de pharisiens. Ils lui représentèrent le grand danger qu'il courait, à cause de l'irritation des pharisiens et des autres sectes contre lui. « Nous savons bien, disait-il, les merveilles que vous opérez et les grâces dont vous êtes la source, seulement choisissez une demeure fixe pour y enseigner en repos, afin que nous ne soyons pas dans une inquiétude continuelle pour vous. » Ils se mirent alors à lui proposer différents endroits. Ces vieilles gens simples et pieux faisaient cette proposition à Jésus par suite de leur grande affection pour lui. Ils étaient scandalisés des sarcasmes incessants des malveillants qui leur étaient répétés. Jésus s'entretint longuement avec eux, il leur tint un langage très énergique et très affectueux, mais tout différent de celui qu'il tenait au peuple et à ses disciples. Il s'exprima plus nettement. Il donna des éclaircissements sur la promesse divine et sur l'obligation où il était d'accomplir la volonté de son Père céleste. Il dit qu'il n'était pas venu pour se reposer, ni pour des individus ou pour les gens de sa parenté, mais pour tous les hommes, que tous étaient ses frères et ses parents, que la charité ne connaissait pas le repos, que celui qui est envoyé pour secourir doit aller à la recherche des pauvres, qu'il ne fallait pas avoir en vue les commodités de cette vie, que son royaume n'était pas de ce monde. Il se donna beaucoup de peine pour éclairer ces bonnes gens, que ses discours étonnaient de plus en plus, et dans l'esprit desquels la lumière se faisait de plus en plus leur affection et leur intérêt pour lui allait toujours croissant. Il alla séparément avec les uns et les autres se promener à l'ombre sur la montagne, il les instruisit, les consola, puis il s'entretint encore avec tous ensemble. Ce fut à cela qu'il passa la journée. Ils prirent avec lui un repas frugal, consistant en pain, en miel et en fruits secs, qu'ils avaient apportés. Dans la soirée, les disciples lui amenèrent le fils d'un maître d'école de l'endroit voisin, qui avait étudié et voulait à son tour devenir maître dans quelque école. Il pria Jésus de l'admettre parmi ses disciples, disant qu'il avait reçu de l'éducation, qu'il pouvait dès à présent se servir de lui et lui donner un emploi. Jésus lui répondit que cela ne pouvait pas, sa science n'était pas celle qui était requise, qu'il était trop attaché aux choses de la terre, et il refusa. Le matin, Jésus visita encore ses cousins et leur donna des avis. Ils partirent vers midi, se dirigeant vers le mont Tabor, où ils se séparèrent dans diverses directions. Il avait tout à fait réconforté, consolé et éclairé ces bonnes gens, et quoiqu'ils n'aient pas tout compris, ils s'étaient tous tranquillisés intérieurement, et ils partirent avec la ferme persuasion que ces paroles étaient des paroles divines, que ce qu'ils faisaient était bien fait, et qu'ils savaient mieux que par quelle voie ils devaient marcher. Leurs adieux furent encore plus touchants que le premier entrevue. Ils prirent congé de lui en versant des larmes et avec les témoignages de la déférence plus affectueuse, puis, lui adressant des sourires et des gestes d'amitié, ils remontèrent la vallée dans leur simple accoutrement de voyage, les uns montent sur des ânes, les autres à pied, tenant à la main de longs bâtons. Jésus et ses disciples leur firent quelque temps la conduite, après les avoir aidés à charger leurs bagages et à s'asseoir sur leurs montures. Jésus alla ensuite dans la vallée à un beau puits, situé à un quart de lieue d'Abbé, où se trouvaient plusieurs femmes de la ville qui étaient venues puiser de l'eau. Lorsqu'elles le virent venir, quelques-unes allèrent en toute hâte dans les maisons qui entouraient Abbé, et bientôt il vint avec elles un certain nombre d'hommes et de femmes apportant des bassins, des linges, du pain et des fruits dans des corbeilles. Ils lui lavèrent les pieds ainsi qu'aux disciples, et leur firent manger quelque chose. La foule se grossit encore, et Jésus l'enseigna. On le conduisit ensuite dans la ville, où dès la porte, il vint à sa rencontre, de toutes les maisons et de tous les coins de rue, une foule d'enfants avec des couronnes et des guirlandes de fleurs. Les disciples qui l'entouraient trouvèrent que la presse était trop grande, et ils voulurent éloigner les enfants. Mais Jésus leur dit, « Faites place et laissez-les venir. » Alors les enfants se précipitèrent tous vers lui, et il les prit dans ses bras, les serra contre lui, et les bénit. Les pères et les mères se tenaient sur les portes et sur les galeries des vestibules. Il alla à la synagogue, où la foule s'assembla, et il enseigna. Le soir, il guérit quelques malades dans les maisons. Il prit aussi, sous une cabane de feuillage encore debout, un repas auquel prirent part beaucoup de personnes de la ville. Avant que Jésus aille dans cette vallée, Thomas était revenu d'Andorra à Fec, qui est située à l'ouest d'Abbé. Je vis ici quelques femmes voilées affligées de perte de sang, se glisser à travers la foule derrière Jésus, baiser le bord de sa robe et guérir aussitôt. Dans d'autres villes plus considérables, ces sortes de femmes étaient obligées de rester à une certaine distance. Dans de petits endroits comme celui-ci, on n'y regardait pas de si près. Jésus fut très bien accueilli ici et qu'il guérit quelques malades dans les maisons. Vers midi, il enseigna aussi de nouveau près du puits qui est devant la ville. Il s'y trouvait beaucoup de gens du voisinage. Il lui vint ici un messager de Cana. Le principal magistrat de la ville le faisait prier de venir tout de suite près de son fils dangereusement malade. Jésus le tranquillisa, et lui dit qu'il pouvait attendre encore. Il vint ensuite deux messagers juifs de Capharnaüm, envoyés par ce païen qui avait déjà fait adresser à Jésus par ses disciples une requête en faveur de son serviteur malade. Ils le pressèrent vivement de vouloir bien aller avec eux à Capharnaüm, autrement le serviteur mourrait. Mais Jésus leur dit qu'il irait en temps opportun, que le serviteur ne mourrait pas encore. Les messagers assistèrent ensuite à son instruction. Les habitants d'Abbé étaient pour la plupart originaires de Jabé de Galaad. Ils s'étaient établis ici à l'époque du sacerdoce d'Élie, à la suite d'une contestation entre les habitants de Galaad. Le juge qui gouvernait alors s'y rendit, et y mit un terme en décidant qu'il viendrait s'établir ici. Saul fut blessé près du puits d'Abbé, qu'on appelle, à cause de cela, le puits de Saul, et il mourut sur la hauteur qui est au midi. Les habitants sont, en général, de moyenne condition, ils font des corbeilles et des nattes avec des joncs qui croissent en abondance dans des marais voisins formés par l'eau qui coule des montagnes. Ils font aussi de petites cabanes de cléonnage. Ils ont des champs qu'ils cultivent et des pâturages. L'histoire de Saul. Les Israélites se tenaient à l'ouest d'Endor près de Jisraël et les Philistins marchèrent contre eux de Sunem. Le combat était déjà commencé lorsque Saul et deux compagnons habillés comme lui en prophète allèrent à Endor trouver la sorcière à la tombée de la nuit. Elle habitait hors de la ville dans une vieille muraille. C'était une femme décriée, sans moyen d'existence. Elle était encore assez jeune, robuste, d'un aspect masculin. Je vis son mari courir le pays, portant sur son dos une boîte où étaient des marionnettes, et faire des tours de toute espèce, pour amuser les soldats et d'autres gens de même sorte. Lorsque Saul vint à elle, il était déjà presque réduit au désespoir. Elle ne voulait pas se rendre à son désir, croyant qu'il la dénoncerait à Saul, qui avait exterminé les faiseurs de sortilèges. Il lui fit un serment solennel qu'il n'en serait pas ainsi. Alors elle sortit avec lui de sa chambre, qui était bien tenue, et le conduisit dans un caveau. Saul lui demanda d'évoquer l'esprit de Samuel. Elle traça un cercle autour de Saul et de ses compagnons, dessina certains signes autour de ce cercle, étendit de côté et d'autre devant Saul, des fils de l'Enbariol les formant diverses figures. Elle se tenait debout en face de lui et avait encore un espace libre à côté d'elle. Elle pouvait à l'aide de son art diabolique faire apparaître des troupes d'hommes armés, des combats et des figures de toute espèce, et c'était ce genre qu'elle voulait produire devant Saul. Mais elle vit près d'elle une apparition et fut toute bouleversée et s'écria « Vous m'avez trompé, vous êtes Saul ». Alors il lui dit qu'elle n'avait rien à craindre et lui demanda ce qu'elle voyait. « Des saints sortent du sein de la terre », répondit-elle. Saul ne voyait rien et dit « À quoi ressemble-t-il ? » La femme saisie d'épouvante répondit « Un vieillard en habits sacerdotaux ». Elle tira Saul à elle et s'enfuit hors du caveau. Mais Saul vit Samuel et tomba la face contre terre. Samuel lui demanda pourquoi il troublait son repos et lui dit que les châtiments de Dieu allaient l'atteindre, que le lendemain il serait près de lui parmi les morts, que les Philistins tailleraient en pièces les Israélites et que David deviendrait roi. Ayant entendu ces paroles, Saul dans sa douleur et son épouvante restait étendu par terre comme s'il eût été mort. On le releva et on l'appuya contre le mur. Il ne voulut pas manger. Ses compagnons cherchèrent à le persuader et la femme apporta du pain et de la viande. « Je ne l'avais pas vu tuer d'animal auparavant. » Cette femme conseilla à Saul, au lieu d'aller au combat, de se rendre à Abé où les habitants, comme originaires de Galaad, étaient bien disposés pour lui. Saul y alla à l'aube du jour. Cependant les Israélites furent battus et mis en fuite sur les montagnes de Gelboé. Ce ne fut pas le gros de l'armée qui vint à l'endroit où était Saul, mais seulement un corps de partisans. Saul était assis sur un char et un homme se tenait derrière lui. Les Philistins qui se précipitaient en avant lui lancèrent des javelots et des flèches. Ils ne savaient pas que ce fut le roi. Il fut grièvement blessé et son compagnon conduisit le char sur la pente méridionale de la vallée, hors du chemin où Jésus se trouvait hier avec les gens de sa parenté. Lorsque Saul sentit que sa mort était inévitable, il pria son compagnon de le tuer, mais celui-ci s'y refusa. Alors Saul, debout dans le char, voulut se jeter sur la pointe de son épée, mais il ne put pas y réussir, empêché par un appui qui était en avant du char. Mais son compagnon détacha cet appui qui était mobile et qui s'abaissa. Saul alors se précipita sur son épée et son compagnon l'imita. Sur ces entrefaites un Amalécite passa. Il reconnut Saul, prit ses ornements royaux et les porta à David. Après le combat on mit ensemble le corps de Saul et ceux de ses fils. Ceux-ci avaient été tués quelque temps avant lui, dans une partie du champ de bataille située plus à l'est. Les Philistins taillèrent les corps en morceaux et je vis toutes choses se passer comme la Bible le raconte. J'ai été cette nuit sur toutes ces hauteurs de Gelboé, ces montagnes qui se croisent et s'enchevêtrent d'une façon étrange. Le ruisseau qui est dans cette vallée s'appelle Kadumim, il est mentionné dans le Cantique de Déborah. Le prophète Malachi a séjourné ici quelque temps et a prophétisé. Abé est à environ 3 lieues de Sitopoli. Dans l'après-midi Jésus s'éloigna du puits dans la direction du levant, puis il tourna au nord. Il franchit la hauteur qui domine la vallée du côté du nord, puis ils firent 3 lieues jusqu'à une autre vallée située à l'est du Tabor, et dans laquelle le torrent de Cison, qui prend sa source sur la pente nord-est, tourne autour de la montagne avant de se rendre dans la plaine d'Edrelon. Au pied du Tabor, du côté du Levant, se trouve la ville de Dabrat, qui occupe un bassin formé par les premières assises de la montagne. La vue s'étend de là, par-dessus la haute plaine de Saron, vers la contrée où le Jourdain sort du lac le Cison la traverse. Une partie de la ville est bâtie en deçà du torrent. Jésus s'arrêta dans une hôtellerie devant la ville. Je ne l'ai pas vu aller dormir. Il enseigna jusqu'à une heure avancée des gens réunis autour de lui. Jésus est allé avec les gens chez lesquels il a passé la nuit, se promener au bas de la montagne et qu'il y a enseigné. Aujourd'hui, vers midi, il entra dans la ville de Dabrat et beaucoup de personnes se pressèrent autour de lui. Je ne sais plus dans quel ordre tout se succéda. Il guérit quelques malades. Il n'y en a pas beaucoup ici, l'air est très sain. La ville est très bien bâtie, il y a une maison précédée d'un grand péristyle avec des colonnes, des escaliers qui conduisent au-dessus du péristyle, et d'autres escaliers qui montent jusqu'au toit de la maison. Je vis des gens descendre de là dans la rue lors de l'entrée de Jésus. Derrière la ville s'élève un contrefort du Tabor, et des chemins tortueux conduisent jusqu'au haut de ce promontoire. Il y a environ 2 lieues depuis là jusqu'au sommet. Des soldats romains sont établis dans une rue qui longe les murs de la ville. Il y a ici un bureau pour la perception des impôts. La ville a 5 rues dont chacune est habitée par des gens d'un métier différent. Dabrat n'est pas sur le grand chemin. La route de commerce la plus voisine passe à une bonne 2 lieues d'ici. On y exerce cependant toute espèce d'industrie. La ville avec son revenu est une ville de Lévites. Les poteaux qui marquent les limites de la tribu d'Issacar sont à peine à 1/4 lieue d'ici. La synagogue est sur une place et la maison dont j'ai parlé tout à l'heure donne sur cette place. Jésus y entra et lorsqu'il y fut reçu, je vis plusieurs personnes descendre les escaliers en toute hâte, car c'est la demeure d'un allié de sa famille, du fils d'un des frères aînés de Joseph, père nourricier du Sauveur. Ce frère de Joseph s'appelait Élia, il avait 5 fils. Celui qui demeure ici est un homme âgé nommé Jessé. Sa femme vit encore et ils ont 6 enfants, 3 fils et 3 filles. 2 des fils ont déjà 18 et 20 ans. Ils s'appellent Caleb et Aaron. Leur père pria Jésus de les prendre pour disciples et il y consentit. Ils doivent partir avec lui quand il redescendra dans le pays. Ce Jessé est chargé d'une perception pour les Lévites et il est à la tête d'une fabrique de draps. Il achète de la laine qui est lavée, filée et tissée ici. Il y a toute une rue qui travaille pour lui. Il y a aussi dans un bâtiment allongé un pressoir où on exprime le suc de diverses herbes qui croissent sur le Tabor ou que l'on fait venir d'ailleurs. Les unes servent à la teinture, les autres à préparer des breuvages et des parfums. J'ai vu dans des auges des cylindres creux où on introduit les plantes que l'on presse avec de lourds pilons. Les tuyaux par lesquels coule le suc ainsi exprimé aboutissent à l'extérieur de la maison et sont pourvus de bons dons. On prépare là entre autres choses de l'huile de myrrhe. Jessé est très pieux, comme sa famille. Ses enfants vont prier tous les jours au Tabor et il va souvent avec eux. Jésus logea chez lui avec ses disciples. Il opéra des guérisons dans la ville et enseigna dans la synagogue. Il y avait ici des pharisiens et des sadducéens. Ils formaient comme une espèce de consistoire et ils délibérèrent ensemble sur la manière dont ils contrediraient Jésus. Le soir, Jésus alla avec les disciples près du mont Tabor, où une réunion d'hommes était convoquée et il les enseigna au clair de la lune jusque très avant dans la nuit. Sur la pente sud-est du Tabor se trouve une grotte avec un petit jardin où le prophète Malachie a souvent résidé. Au haut de la montagne, il y a également une grotte avec un jardin où elle a séjourné avec ses disciples comme sur le Carmel. J'ai vu les 2 endroits. Ce sont des lieux de prière fréquentés par les Juifs pieux. Sur le versant septentrional du Tabor, à une grande hauteur et tout contre la montagne, se trouve un endroit nommé Tabor, qui a donné son nom à celle-ci. Une petite lieue plus à l'ouest, en face de Séphorie, il y a encore un endroit fortifié. Casalo est au pied de la montagne, sur le versant méridional, au nord de Naïm, ayant vu sur Afek. C'est là que le territoire de Zabulon se prolonge le plus dans cette direction. Il y a là un endroit qui a porté plus tard le nom d'Apha. J'ai vu que des parents de Jésus avaient habité cet endroit, ainsi qu'une sœur d'Élisabeth, fille de la tante maternelle d'Anne, elle s'appelait Rhode comme la servante de Marie la mère de Marc. Rhode avait trois filles et deux fils, une de ces deux filles était l'une des trois veuves amies de Marie, dont il est si souvent question dans cette histoire. Elle avait deux fils parmi les disciples. Un des deux fils de Rhode épousa Maroni et mourut, sa veuve restée sans enfant, épousa un homme de la même famille, Élien le neveu d'Anne, en seconde noce conformément à la loi. Elle lui porta Martial et alla s'établir à Naïm. Elle devint veuve une seconde fois, et c'est elle la veuve de Naïm dont le fils Martial fut ressuscité par le Seigneur. Ce matin, Jésus enseigna dans la maison de son parent et guérit quelques malades dans la ville. Après le repas, il enseigna sur une place devant la synagogue. Beaucoup de malades étaient venus des environs et les pharisiens étaient très irrités. Il y avait à Dabrat une femme riche appelée Noémie. Elle avait trompé son mari et vécu dans l'adultère, en sorte que celui-ci était mort accablé de chagrin. À présent, elle avait un homme d'affaires auquel elle avait fait depuis longtemps la promesse de l'épouser, mais elle le trompait et avait toujours d'autres amants. Cette femme avait entendu Jésus prêcher à Dothan, et il s'était fait en elle un grand changement. Elle était pénétrée de repentir et n'avait plus qu'un désir, c'était qu'il lui remît ses péchés et lui indique une pénitence à faire. Elle avait assisté ici à la prédication et aux guérisons de Jésus, et elle cherchait à se rapprocher de lui, mais il se détournait toujours d'elle. C'était une femme de distinction et qui n'était là tombée dans le mépris public. Comme elle s'efforçait par tous les moyens possibles de pénétrer jusqu'à Jésus, les pharisiens se mirent à la traverse. Ils cherchèrent à lui faire honte de son insistance et l'engagèrent à retourner dans sa maison. Mais elle ne se laissa pas arrêter par là. Son désir ardent d'être pardonnée la mettait comme hors d'elle-même et elle s'ouvrit passage à travers la foule. Elle se prosterna à terre devant Jésus et s'écria, « Seigneur, y a-t-il encore espoir de grâce et de pardon pour moi ? Seigneur, je ne peux plus vivre ainsi. » Jésus l'engagea à se calmer, et elle lui dit, « J'ai gravement péché contre mon mari. J'ai trompé l'homme qui est maintenant à la tête de ma maison, et elle proclama ainsi sa faute devant tout le monde. Cependant tous ne l'entendirent pas, car Jésus s'était retiré à l'écart, et les pharisiens qui se pressaient en foule, faisaient grand bruit tout autour de lui. Mais lorsque Jésus lui dit, « Levez-vous, vos péchés vous sont remis. » Elle demanda une pénitence. Jésus la remit à un autre moment et elle se dépouilla de tous ses ornements. Elle avait des perles autour de sa coiffure, des anneaux, des agrafes, des colliers et des bracelets. Elle remit tout cela aux pharisiens pour qu'ils le donnent aux pauvres et elle se voila le visage. Jésus alla à la synagogue, car le Shabbat commençait, et les pharisiens et les sadducéens le suivirent plein de dépit. L'instruction de ce soir roula sur Jacob et Ésau, Genèse 25, Malachie 1 à 2. Jésus appliqua à son temps ce qui est dit de la naissance de Jacob et d'Ésau. Ésau et Jacob étaient entrés en lutte dans le sein de leur mère, il en était ainsi de la synagogue et de ceux qui aspiraient à la sainteté. La loi est rude et sauvage comme Ésau. Elle est née la première, mais elle vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, pour le parfum de quelques petites observances et pratiques extérieures. Elle le vend à Jacob, qui reçoit la bénédiction, et Jacob devient un grand peuple, dont Ésau doit être le serviteur. Toute cette explication fut très belle. Les pharisiens ne trouvèrent rien à y opposer mais ils disputèrent longtemps contre lui. Les pharisiens lui reprochèrent de se faire un parti, d'établir dans tout le pays des hôtelleries où se dépensait beaucoup d'argent donné par de riches veuves et qui auraient pu profiter à la synagogue et à ses docteurs. « Il en sera encore de même pour Noémie, disait-il. Comment peut-il lui remettre ses péchés ?» Jésus passa la nuit et enseigna encore chez le parent de Joseph. Ce matin, Jésus n'alla pas à la synagogue, mais dans l'école des garçons et des filles. Ses enfants vinrent encore près de lui, avant le repas, dans le vestibule de la maison de son parent où il leur donna des avis et les bénit. La femme convertie hier est aussi venue le trouver avec son intendant. Jésus s'entretint d'abord avec chacun d'eux en particulier, puis avec tous les deux ensemble. La femme, avec ses dispositions actuelles, ne devait plus se marier, d'autant plus que l'homme était d'une condition inférieure. Elle lui céda une partie de son bien et donna le reste aux pauvres, sauf ce qui était nécessaire pour sa subsistance. Après le repas du jour du Shabbat, au moment où les Juifs, en général, ont l'habitude de faire une promenade, plusieurs femmes juives vinrent chez Jésus visiter la maîtresse de la maison et Jésus les fit jouer à un jeu instructif, approprié au jour du Shabbat. Noémie, la convertie, était aussi là. Je ne me souviens plus de la marche de ce jeu, mais il consistait en une série de paraboles ou d'énigmes, dont chacune portait coup et qui les toucha profondément. On demandait, par exemple, où chacune avait son trésor, si elle en tirait intérêt, si elle le cachait, en faisait part à son mari, l'abandonnait aux soins de ses domestiques, le traînait à la synagogue, si c'était là qu'était son cœur. On faisait de même différentes questions sur l'éducation des enfants, les relations avec les domestiques. Il parla aussi de l'huile et de la lampe, de la manière dont la lampe brûle lorsqu'elle est remplie, de l'huile répandue inutilement, tout cela entendu dans le sens spirituel. Qu'une femme, interrogée à ce sujet, répondit toute joyeuse, « Oui, maître, je prends toujours grand soin de la lampe du Shabbat » et que ses voisines se mirent à rire parce qu'elles n'avaient pas du tout compris le sens des paroles de Jésus. Il donna ensuite des explications très frappantes sur ce qu'il avait dit, et la femme qui avait répondu de travers, dut faire un présent pour les pauvres, ce quoi toutes s'étaient préparées d'avance. Celle-là donna une pièce d'étoffe. Jésus écrivit aussi une énigme sur le sable devant chacune d'elles et il leur fallait écrire la réponse à côté. Il leur donna ensuite des enseignements, dans lesquels il exposa toutes leurs mauvaises inclinations et leurs défauts d'une façon qui les émut vivement, sans qu'aucune pourtant eût à rougir devant les autres. Ses avis se rapportaient plus particulièrement aux fautes qu'elles avaient commises lors de la fête des tabernacles, qui devenait facilement l'occasion de pécher par suite de la liberté qui y régnait et des réjouissances qui l'accompagnaient. Plusieurs de ces femmes s'entretinrent ensuite en particulier avec Jésus, elles confessèrent leurs manquements, le prièrent de leur pardonner en leur imposant une pénitence, et il les consola et les réconcilia. Pendant cette instruction, les femmes étaient assises sur des tapis et des coffres, le dos appuyé contre des bancs de pierre et rangés en demi-cercle, sous les colonnes du vestibule. Les disciples et les amis de la maison se tenaient des deux côtés à quelque distance. On ne parlait pas très haut parce qu'autrement des gens de la rue auraient pu grimper sur le mur pour espionner et causer du désordre, car on était là en plein air. Les femmes avaient apporté des aromates, des conserves et des parfums de toute espèce, pour en faire présent à Jésus. Il remit tout cela aux disciples pour être distribué aux pauvres malades qui ne recevaient jamais de pareils cadeaux. Avant que Jésus aille à la synagogue pour la clôture du Shabbat, des Hérodiens lui envoyèrent un message pour le prier de se rendre à un certain endroit de la ville où il voulait s'entretenir avec lui. Jésus répondit au messager d'un ton sévère, et dit à ces hypocrites qu'ils n'ont qu'à venir à la synagogue ouvrir contre moi leur bouche perfide, c'est là que je leur répondrai ainsi qu'aux autres. Il leur donna encore d'autres sévères qualifications, puis il se rendit à l'école. L'instruction du Shabbat fut question de Jacob et des eaux, de la grâce et de la loi, des enfants et des serviteurs du Père. Il parla avec tant de force contre les pharisiens, les sadducéens et les hérodiens, que leur rage alla toujours croissant. Il compara aussi les voyages d'Isaac d'un lieu à l'autre, pendant la famine il est puis comblé par les Philistins, à sa prédication et à la persécution des pharisiens. Il enseigna sur Malachie et dit comment s'accomplissait maintenant la prédiction de ce prophète. « Mon nom sera grand dans les limites d'Israël. Mon nom sera glorifié du levant au couchant parmi les nations. » Il leur parla de tous les chemins qu'il avait parcourus pour glorifier le nom du Seigneur, en deçà et au-delà du Jourdain, et ajouta qu'il les parcourait jusqu'au bout. Puis il commenta très sévèrement ses paroles. Le fils doit honorer son père et le serviteur son maître. Ils furent couverts de confusion et ne purent rien lui répondre. Lorsque le peuple quitta la synagogue et que Jésus à son tour en sortit avec ses disciples, tous lui barrèrent le chemin dans un vestibule et lui demandèrent des explications, disant qu'il n'était pas nécessaire que le bas peuple entendît tout ce qu'on avait à dire. Ils lui adressèrent toutes sortes de questions captieuses, particulièrement sur ses rapports avec les Romains qui étaient en garnison ici. Deux leur répondit de manière à les réduire au silence, et comme à la fin ils exigeaient de lui, avec un mélange de flatterie et de menaces, qu'il cesse de parcourir le pays avec ses disciples, d'enseigner et de guérir les malades, faute de quoi ils l'accuseraient et le poursuivraient comme instigateur de troubles et de soulèvements, il leur répondit, « Vous trouverez à ma suite jusqu'à la fin, partout où j'irai, les disciples, les ignorants, les pécheurs, les pauvres, les malades, que vous laissez dans l'ignorance, dans le péché, dans la pauvreté et dans la maladie. » Comme ils ne pouvaient rien lui répondre, ils quittèrent la synagogue avec lui et furent très polis en apparence. Intérieurement, ils étaient pleins de dépit et tout déconcertés. Jésus partit de là, à la lueur du crépuscule, avec ses disciples et plusieurs personnes qui l'attendaient devant la synagogue et il se dirigea au nord-est vers le Tabor. Il y trouva réunies d'autres personnes, parmi lesquelles étaient ses cousins. Il s'assit au penchant de la montagne. Ses auditeurs s'assirent et s'étendirent à ses pieds. Les étoiles brillaient dans un ciel serein et il y avait même un peu de clair de lune. Il enseigna jusque bien avant dans la nuit. Il faisait souvent ainsi pour quelques groupes de braves gens quand ils avaient terminé une rude journée de travail. Tout alors est plus tranquille, rien ne distrait les assistants. Le ciel, les étoiles, la belle vue, la fraîcheur agréable du soir et le calme de la nature rendent les hommes plus recueillis. Ils entendent mieux sa voix, avouent plus aisément leurs fautes, sont moins exposés à rougir, emportent son enseignement chez eux et le méditent ensuite avec moins de distraction. Il en fut ainsi particulièrement dans cette occasion, au milieu des magnifiques aspects que présente cette belle contrée du Tabor. De plus, cette montagne était pour les gens du pays une montagne sainte, à cause d'Élie et de Malachie qui y avaient séjourné. Comme Jésus revenait à son logis avec la foule, à une heure avancée de la nuit, un marchand païen de l'île de Chypre, qui avait assisté à son instruction, s'approcha de lui sur le chemin. Il habitait dans les bâtiments appartenant à Jésé avec lequel il était en relation de commerce. Jusqu'alors il s'était tenu à l'écart par discrétion. Maintenant il vint trouver Jésus en particulier dans une salle de la maison et Jésus s'assit avec lui comme il avait fait avec Nicodème et répondit à toutes les questions que cet homme lui adressa avec beaucoup d'humilité et un grand désir de s'instruire. Ce païen était un homme très sage et de sentiments très élevés. Il s'appelait Cyrinus. Il parlait très pertinemment de toutes choses et il reçut l'enseignement de Jésus avec une humilité et une joie incroyables. Jésus fut aussi très affable et très confiant avec lui. Cyrinus dit au Seigneur qu'il avait vu depuis longtemps le néant de l'idolâtrie et qu'il aurait voulu devenir juif. Seulement il y avait une chose qui lui inspirait une répugnance insurmontable. C'était la circoncision. N'était-il donc pas possible d'arriver au salut sans la circoncision? Jésus lui parla d'une manière très profonde et très confidentielle sur ce mystère. Il lui dit qu'il pouvait circoncire ses sens par le retranchement des convoitises de la chair, qu'il en pouvait faire autant pour son cœur et pour sa langue, et aller à Capharnaüm afin d'y recevoir le baptême. Là-dessus Cyrinus demanda à Jésus pourquoi il n'enseignait pas cela publiquement. Il croyait que dans ce cas bien des païens, désireux du salut, se convertirait. Jésus répondit que ce peuple aveuglé le mettrait à mort, s'il parlait ainsi devant lui et il ajouta qu'il ne fallait pas scandaliser les faibles. Il pouvait aussi naître de là des sectes de toute espèce. D'ailleurs, pour beaucoup de païens, cette prescription subsistait encore comme une épreuve et un sacrifice. Mais maintenant que le royaume de Dieu était proche, l'alliance qui avait pour signe la circoncision corporelle, allait prendre fin et elle devait être remplacée par la circoncision du cœur et de l'esprit. Cet homme l'interrogea encore sur la valeur du baptême de pénitence donné par Jean et Jésus lui dit à ce sujet quelque chose dont je ne me souviens plus. Cyrinus parla aussi de plusieurs personnes de Chypre, qui désiraient vivement voir Jésus, et il se plaignit de ce que ses deux fils, dont reste il vanta la vertu, étaient des ennemis déclarés du judaïsme. Jésus le consola à ce sujet et lui promit que ses fils deviendraient de zélés ouvriers dans sa vigne lorsqu'il aurait accompli son œuvre. Ils s'appelaient Aristarque et Trophime, et ils devinrent plus tard disciples des apôtres, de Pierre ou de Paul. Il y avait eu deux disciples du nom d'Aristarque. L'entretien nocturne de Jésus avec ce païen se prolongea jusqu'au matin. Il fut très touchant et profondément instructif. Cet homme était plein d'intelligence et de généreux sentiments, et cela me rappela la nuit que Jésus avait passée avec Nicodème. Sur le versant sud du Tabor, Jessé a pratiqué dans les parois des rochers des espèces de niches pour y placer des vases où on prépare des parfums tirés des herbes et d'autres substances. Une liqueur coule de ces vases dans d'autres placés plus bas et on la remue souvent. C'est peut-être de la distillation. Avant midi, Jésus fit avec les disciples trois lieues au nord-est. Il alla visiter le territoire et le bourg de Giscala, qui est à une petite lieue avant Béthulie. Au commencement de son voyage, il pouvait voir au levant un endroit que je crois être Japhia, et au couchant un autre endroit, situé au nord du bourg de Tabor. La montagne qui est de ce côté est l'un des lieux où il opéra la multiplication des pains. Giscala est sur une éminence, mais moins élevée que celle où se trouve Béthulie. Holoferne y a campé. Le bourg n'existait pas à cette époque. Il n'y avait que quelques maisons. Giscala est une forteresse pleine de soldats païens. Ce sont des Romains. Hérode est obligé de les solder, et les Juifs habitent un petit faubourg, à un demi-quart de lieue de là. Giscala n'est pas une ville comme une autre. On y voit quelques places et quelques bâtiments entourant des enceintes palissadées, comme pour y tenir des chevaux en liberté. Tout autour s'élevaient des tours isolées à plusieurs étages. Elles sont environnées de murs et une garnison peut s'y détendre. Tout cet ensemble compose une ville singulière. À l'une de ces tours s'adosse de bâtiments entourés de colonnes des quatre côtes. C'est là qu'est le temple païen. Les Juifs qui habitent le petit faubourg en avant de la forteresse sont en bon rapport avec la garnison. Ils fabriquent toutes sortes d'ouvrages en cuir, des harnais pour les chevaux et des objets d'équipement pour les soldats. Ils sont les uns propriétaires, les autres surveillants et intendants de la contrée environnante qui est d'une merveilleuse fertilité. Car c'est de là Capharnaüm que s'étend le magnifique pays de Génézareth. La forteresse est au point culminant de la hauteur. On y monte par des chemins couverts construits en maçonnerie. Le quartier des Juifs est ouvert et situé sur la pente. Il est précédé d'une fontaine, ou plutôt d'un abreuvoir, où l'eau arrive par des conduites. Jésus s'arrêta d'abord près de cette fontaine avec les disciples. Les habitants du quartier juif célébraient une fête, car grands et petits étaient dispersés dans les jardins et les champs d'alentour. Les enfants païens étaient aussi sortis de la ville et s'étaient rassemblés de leur côté. Lorsqu'on vit Jésus s'approcher de la fontaine, les magistrats vinrent le trouver avec leur maître d'école, qui était un homme instruit. Ils souhaitèrent la bienvenue à Jésus et à ses disciples, leur laverant les pieds et leur offrirant des fruits de diverses espèces. Jésus enseigna près de la fontaine, en parabole touchant la récolte, car cette contrée faisait alors sa seconde récolte de raisins et d'autres fruits. Jésus alla aussi près des enfants païens, s'entretint avec leur mère, les bénit et en guérit quelques-uns qui étaient malades. Les Juifs de Giscala célébraient aujourd'hui une fête en mémoire de leur délivrance d'un oppresseur qui était le fondateur de la secte sadducéenne. Ils vivaient plus de deux siècles avant Jésus-Christ, d'où son nom de Manoumlan. Un certain Antigonus avait aussi pris part à l'établissement des Sadducéens, mais ce n'est pas de lui dont je parle. Il n'avait joué qu'un rôle subordonné à celui du premier. Celui-ci avait un emploi dans le Sanhédrin de Jérusalem et était chargé de maintenir les doctrines religieuses qui existaient en dehors de la loi. Il tourmenta horriblement les gens d'ici. C'était un très méchant homme. Il disait qu'on n'avait à espérer de Dieu aucune récompense et qu'on devait agir en tout comme des esclaves. Il était de ce pays. Ses habitants avaient conservé de lui de terribles souvenirs et ils célébraient une fête en mémoire de sa mort. Je vis toute l'origine des Sadducéens, je ne m'en souviens plus. Il y avait aussi avec lui un homme de Samarie. Sadoc fut le continuateur de son enseignement. Il était disciple de l'autre et soutenait qu'il n'y aurait pas de résurrection, il avait aussi avec lui un Samaritain. Quant à la haine des habitants de Giscala et la tyrannie exercée sur eux, on doit croire qu'il avait eu là plus que des vexations en matière de conscience. Jésus avec ses disciples alla passer la nuit chez le chef de la synagogue. Il enseigna encore là dans le vestibule. On lui amena quelques malades qu'il guérit, entre autres une vieille femme hydropique. Le docteur de la synagogue était un excellent homme très instruit. Les gens de cet endroit avaient de l'antipathie pour les pharisiens et les sadducéens et ils s'étaient procuré ce maître eux-mêmes. Ils lui avaient fait faire des voyages jusqu'en Égypte. Jésus s'entretint longtemps avec lui et avec les disciples. Comme il arrivait ordinairement en pareil cas, cet homme en vint parler de Jean. Il le vanta beaucoup et dit à Jésus que s'il avait autant de lumière et de pouvoir qu'il en faisait paraître et que lui en attribuait la renommée, il ne comprenait pas qu'il ne fit rien pour remettre en liberté cet homme admirable. Aujourd'hui, Jésus, dans une belle instruction, adressa à ses disciples des paroles prophétiques sur cet endroit. Trois élateurs devaient sortir de Giscala. Le premier était celui qui avait fondé la secte sadducéenne et à propos duquel les Juifs célébraient leur fête d'aujourd'hui. Le second était un grand scélérat encore à venir, Jean de Giscala, qui excita un grand soulèvement en Galilée et commit des actions horribles. Lors du siège de Jérusalem, j'ai vu un autre homme lui reprocher en face ses méfaits. Il y en avait un troisième, qui était vivant et chez lequel la fureur devait se transformer en charité. Celui-là devait enseigner la vérité dans cet endroit même et tout remettre dans la bonne voie. Ce troisième était Paul, qui était né ici, mais dont les parents étaient allés s'établir à Tarse. Je vis en effet qu'allant à Jérusalem, après sa conversion, il annonça ici l'évangile avec beaucoup de zèle. La maison de ses parents existait encore, elle était affermée, elle est à l'extrémité de ce faubourg-là plus rapproché de Giscala, et il y a de ce côté une série d'enceintes palissadées très spacieuses et de maisonnettes semblables à des cabanes de blanchisseurs, qui s'étend presque jusqu'à Giscala. Les parents de Paul ont été à la tête d'une fabrique de toile. Cette maison est louée par un officier païen du nom d'Achéa, qui y habite. On ne saurait exprimer à quel point cette contrée est fertile. Les habitants font maintenant leur seconde récolte de vin, de fruits, d'herbes aromatiques et de coton. Il y a ici un roseau, que j'appelle toujours canne à sucre. Il vient en groupe. Ses feuilles sont plus grandes en bas qu'en haut. Un liquide sucré en découle goutte à goutte comme de la résine, de baies placées les unes au-dessus des autres. C'est aussi dans ce pays que se trouvent les arbres sur lesquels viennent les fruits dont on orne les cabanes de feuillage à la fête des tabernacles. On les appelait pommes des patriarches parce qu'ils avaient été apportés par les patriarches d'un pays plus chaud situé à l'Orient. Les troncs ne s'élèvent pas tout droit, mais tous sont, comme chez nous les arbres d'espalier, courbés et tendus sur des murs, quoique l'arbre ait souvent plus d'un pied de diamètre. Il y a aussi beaucoup de cotonniers et des chantiers pleins de plantes odoriférantes, entre autres de celles dont on tire l'huile de nard. Je crois qu'il en vient aussi chez nous dans les bons terrains une espèce plus commune. Il y a ici beaucoup de figuiers, d'oliviers, de cèpes de vignes et des melons magnifiques qu'on voit en quantité dans les champs et au bord du chemin. On rencontre aussi beaucoup de palmiers et de dattiers. De nombreux troupeaux paissent au milieu de toute cette richesse dans de belles prairies couvertes de gazon et d'herbes de toute espèce. Il croît encore ici de grands arbres avec de grosses noix, d'une espèce qui m'est inconnue, et un bel arbre qui fournit un bois de charpente singulièrement solide et compact. Jésus alla à travers les champs et les jardins qui sont remplis de gens faisant la récolte. De temps à autre une troupe se rassemblait autour de lui et il les enseignait en sentences brèves et en paraboles, dont il empruntait les sujets à leurs travaux habituels. Les enfants païens se mêlaient ici assez familièrement avec ceux des Juifs pendant la récolte, cependant ils étaient vêtus un peu différemment. Dans la maison où Paul est né, habite maintenant un centurion des soldats païens qui occupe la forteresse. Il s'appelle Achaïe et il a un fils de 7 ans malade, auquel il a donné le nom du héros juif Jephté. Achia était un homme de bien et il désirait vivement l'assistance de Jésus, mais aucun des habitants ne voulait parler de lui au Sauveur. Quant aux disciples, les uns étaient avec leur maître, les autres dispersés parmi les gens qui faisaient la récolte et auxquels ils parlaient de Jésus et répétaient quelques-uns de ses enseignements. D'autres étaient allés en avant pour porter des messages à Capharnaüm et dans la contrée voisine. Les habitants n'aimaient pas le centurion qui habitait trop près d'eux et ils auraient voulu le voir aller ailleurs. En général, il n'était pas très affable, et même il ne s'empressait guère autour de Jésus. Ainsi, ils suspendaient leur travail et l'écoutaient, mais ils ne témoignaient pas une sympathie vive et chaleureuse. Le centurion, dans son chagrin, suivait donc Jésus de loin et comme à la dérobée. Mais le Seigneur s'étant rapproché de lui, il s'avança, s'inclina et dit : Maître, ne dédaignez pas votre serviteur et prenez pitié de mon enfant que la maladie retient au lit chez moi. Jésus lui répondit : Il est convenable de distribuer le pain aux enfants de la maison avant d'en donner aux étrangers qui se tiennent dehors. Achia lui dit : Seigneur, vous êtes l'envoyé de Dieu et l'accomplissement de la promesse, vous pouvez me secourir et je sais que vous avez dit que ceux qui croient cela sont des enfants et non pas des étrangers. Seigneur, ayez pitié de mon enfant. Jésus lui dit : Votre foi vous a sauvé. Et il alla avec quelques disciples dans la maison natale de Paul où Achia habitait. Cette maison avait un peu plus d'apparence que les maisons juives ordinaires. Elle était distribuée de même. Elle était précédée d'un vestibule, puis on entrait dans une grande salle des deux côtés de laquelle étaient des chambres à coucher formées par des cloisons mobiles. On arrivait ensuite au foyer qui était au centre de la maison et autour duquel étaient quelques grandes chambres et quelques salles. Il y avait le long des murs de larges bancs de pierre sur lesquels étaient placés des tapis et des coussins. Les fenêtres étaient toutes dans le haut. Achia conduisit Jésus au milieu de la maison. Ses serviteurs apportèrent devant le Seigneur l'enfant couché dans son lit. La femme d'Achia le suivait couverte d'un voile, elle s'inclina timidement et se tint un peu en arrière dans une attente pleine d'anxiété. Achia était plein de joie, il appela les gens de sa maison, les serviteurs et les servantes, que la curiosité avait déjà attirés et qui restèrent à quelque distance. Le petit garçon était un bel enfant d'environ 6 ans, il avait une longue tunique de laine et autour du cou une bande de fourrure qui était croisée sur sa poitrine. Il était muet et complètement paralysé, mais il paraissait aimable et intelligent. Il regarda Jésus. Jésus adressa la parole aux parents et à tous les assistants, il parla de la vocation des gentils, de l'approche du royaume de Dieu, de la pénitence, de l'entrée dans la maison du Père par le baptême. Il pria, leva l'enfant de sa couche et le prit dans ses bras. Puis il se courba vers lui, lui passa les doigts sous la langue, et l'ayant posé à terre, il le conduisit au centurion qui se précipita vers lui avec la mère tremblante de joie et l'embrassa en pleurant. L'enfant étendit les bras vers ses parents et dit : À mon père, à ma mère, je peux marcher, je peux parler. Jésus dit alors : Prenez cet enfant, vous ne savez pas quel trésor vous a été donné en lui. Il vous est rendu et il vous sera demandé. Ses parents le ramenèrent près de Jésus et se jetèrent à ses pieds avec lui, le remerciant avec larmes. Il bénit l'enfant et lui parla très affectueusement. Le centurion pria Jésus d'entrer avec lui dans une pièce voisine et d'accepter une collation, que le Seigneur prit avec ses disciples. Ils mangèrent debout du pain, du miel et de petits fruits, puis ils burent. Jésus s'entretint encore avec Achia. Il lui dit d'aller à Capharnaüm pour y recevoir le baptême et l'engagea à s'adresser là à Zorobabel, ce qu'il fit plus tard avec les parents de sa maison. Le petit Jephté, muet et complètement paralysé à 6 ans guéri par Jésus, à qui à son père était centurion de Giscala, devint par la suite un disciple très actif de Thomas. Les soldats qui tenaient garnison à Giscala assistèrent comme garde au crucifixion de Jésus. On les employait pour faire la police dans de semblables occasions. Sidessa est à l'ouest de Dana, à 1 lieue environ. On voit de la Cana qui est au midi. Il y a des Tyriens, mais la ville est dans la tribu de Zabulon. La chose remonte à un homme de Tyr nommé Livia, auquel Alexandre le Grand donna cette ville avec son district en récompense de ses services. Elle était alors complètement dévastée, mais Livia la restaura et y attira beaucoup de ses compatriotes tyriens. Ceux-ci continuèrent d'y habiter, et il n'y avait qu'un petit nombre de juifs. C'est ainsi que Sidessa devint une ville païenne au milieu du territoire de Zabulon. Maintenant Sidessa n'a plus de seigneur, mais il y a encore des païens et un grand dépôt de marchandises tyriennes. Quant à cet endroit, la position en est si agréable et si dégagée, et on y a une si belle vue sur la magnifique et fertile contrée d'alentour. C'est de là que vinrent les premiers païens au baptême de Jean. Maintenant ils vont la prédication de Jésus sur la montagne près de Gabara. Jésus quitta ensuite la demeure de l'heureux Zacchée et parla à ses disciples de cet enfant, disant qu'un jour il porterait des fruits. Il dit aussi de cette maison qu'il en était sorti quelqu'un qui ferait de grandes choses dans son royaume. Jésus partit pour Giscala, mais il n'alla pas à Béthulie, qui en était tout près, ce que je pressentis tout de suite. Il me semble toujours que cette ville aujourd'hui dépeuplée et oubliée, n'a plus pour habitants que des fossoyeurs. Il laissa à sa gauche la hauteur où est Béthulie, et longeant une vallée, qui se dirige au nord-est entre des montagnes, il gagna la plaine où sont les bains de Béthulie. De là il fit encore environ 3 lieues et arriva à Gabara, ville assez considérable, placée au bas du revers occidental de la montagne, dont le côté tourné au sud-est, cache dans ses anfractuosités ce singulier nid d'Hérodiens, qu'on appelle Jotapa, et où Jésus a été récemment. Jotapa se trouve à peu près à 1 lieue de Gabara, en tournant autour de la montagne. Cette montagne s'élève à pic, comme une muraille derrière Gabara. On y monte par des degrés taillés dans le roc. Les habitants de la ville travaillent du coton qui ressemble à de la soie. Ils fabriquent des étoffes et aussi des espèces de matelas à l'usage des gens riches avec du coton rouge, jaune et bleu. Ces matelas sont tendus à l'aide de crochets et solidement attachés. C'est là tout le lit. Ils salent aussi des poissons qu'ils envoient au loin. J'ai encore vu à Giscala que, quelque temps avant le malheureux combat livré près de Jisraël, Saul avait rassemblé son armée dans les montagnes de Gelboé, parcouru les environs de cette ville avec quelques compagnons, cherchant des devins. Car il ne les avait pas tous exterminés dans ce pays, mais ceux qui restaient s'étaient enfuis à son approche. Ils s'étaient trop avancés, et les Philistins, avertis qu'il était dans leur voisinage, envoyèrent un détachement qui avait failli s'emparer de lui. Mais 2 hommes dévoués de la ville le sauvèrent et le cachèrent. Cela fut cause que plus tard David accorda des faveurs à la ville. On célébrait tous les ans une fête locale en mémoire de cette aventure de Saul. À Gabara, on ne fit pas à Jésus de réception particulière. Il alla dans une hôtellerie, et il vint aux plusieurs Hérodiens de Jotapa qui lui témoignèrent une feinte déférence et lui adressèrent plusieurs questions insidieuses. Il leur répondit avec une grande liberté, et il enseigna aussi dans la synagogue. De y environ 10 jours, comme on l'a dit, Marthe, Véronique et Jeanne Chusa, avec Anne, fille de Cléophas, ont fait le voyage de Béthanie à Capharnaüm. Sur la route, Dina, la Samaritaine, et Marie, la Suphanite des noms, se sont jointes à elles dans une hôtellerie où elles avaient amené quelques disciples de Jérusalem, qui étaient allés avec Lazare trouver Jésus, près d'Ophra. C'était de là que provenaient les informations sur l'état moral de Madeleine qui a été mentionné récemment. La visite de Jacques le Majeur à Madeleine correspond au temps du séjour de Jésus à Mérose. J'ai vu aujourd'hui que les dévotes femmes sont allées à 3 lieues au midi de Capharnaüm, dans une ville de Lévite appelée Dana, elles avaient une hôtellerie, et que Marthe partit de là pour aller à 1 lieue au sud-ouest voir Madeleine à Magdalum. Magdalum, avec ses châteaux et ses jardins, est située au nord de la montagne à l'ouest de laquelle se trouve Gabara. Jotapa est à 1 lieue au sud-est de cette dernière ville. Magdalum est située dans un bassin, sur la crête méridionale d'une vallée qui va de l'ouest à l'est dans la direction du lac de Génézareth à 1/2 lieue à peu près de l'extrémité occidentale de la vallée. La ville est bâtie sur le penchant de la montagne. Tibériade est à 2 petites lieues au sud-est de Magdalum, sur le bord du lac. On peut aller à Magdalum d'en haut et d'en bas. Marthe alla surtout voir Madeleine, pour la déterminer à aller avec Dinah la Samaritaine, et Marie la Suffanite écouter une grande instruction, que Jésus fera mercredi sur la montagne située au-delà de Gabara. Madeleine la reçut assez amicalement dans l'une des ailes de son château, qui est un peu délabré, et elle la conduisit dans une chambre voisine de ses appartements de réception, mais non pas précisément dans ceux-ci. Il y avait en elle un mélange de vrai et de fausse honte. D'une part, elle rougissait de sa sœur, pieuse, simple, mal vêtue, qui parcourait le pays avec les adhérents de Jésus, vouée au mépris des compagnons de plaisir de Madeleine. D'autre part, elle rougissait devant Marthe et n'osait pas la mener dans les appartements qui étaient le théâtre de ses folles et de ses désordres. Madeleine avait un certain abattement moral, mais elle n'avait pas la force de rompre avec ses habitudes. Elle était pâle et un peu défaite. Déjà, les dernières fois que j'ai porté mes regards sur sa vie privée, sa position m'a paru moins indépendante et moins brillante. L'homme avec lequel elle vivait dans le péché lui était à charge, et elle se sentait un peu abaissée par cette relation, car il avait des sentiments vulgaires, elle avait déjà été remuée une fois par l'enseignement de Jésus. Marthe s'y prit avec elle d'une façon très affectueuse et très adroite. Elle lui dit, Dinah la Samaritaine et Marie la Suffanite, deux personnes aimables et intelligentes que tu connais, t'engagent à aller avec elles entendre Jésus prêcher sur la montagne. C'est si près de toi. Elles seraient bien aises d'avoir ta compagnie dans cette occasion. Tu n'auras pas à rougir d'elles devant le peuple. Tu sais qu'elles ont bon air, que leur mise est élégante et leur manière distinguée. Ce sera un beau spectacle. Rien n'est plus intéressant à voir que cette multitude innombrable écoutant la voix éloquente du prophète, les malades qu'il guérit, la hardiesse avec laquelle il interpelle les pharisiens. Véronique, Jeanne Chusa, et la mère de Jésus, qui te veut tant de bien, sont toutes persuadées ainsi que moi que tu nous remercieras de cette invitation. Je pense que ce sera, pour toi, une distraction agréable. Tu sembles maintenant ici tout à fait délaissé. Tu ne trouves pas de gens qui sachent apprécier ton cœur et tes talents. Ou, si tu voulais passer quelque temps avec nous à Béthanie. Nous entendons tant de choses merveilleuses, et nous avons tant de bien à faire. Et tu as toujours été si charitable et si compatissante. Mais au moins il faut que demain tu viennes à Dana avec nous. Nous sommes à l'hôtellerie, nous autres femmes. Mais tu pourras avoir un logement à part et ne parler qu'à celles que tu connais. Ce fut de cette manière que Marthe parla à sa sœur, évitant avec soin tout ce qui pouvait la blesser. Madeleine, dans sa mélancolie, accepta volontiers. Elle fit d'abord quelques petites objections, mais elle finit par consentir, et promit à Marthe de partir avec elle pour Dana le lendemain matin. Elle mangea avec elle, et dans la soirée elle quitta plusieurs fois cet appartement pour venir la visiter. Le soir, Marthe et Anne de Cléopha adressèrent leur prière à Dieu pour qu'il rende ce voyage profitable à Madeleine. Madeleine semble disposée à recevoir une forte impression, mais je crois qu'elle retombera encore une fois. Je n'ai pas encore vu comment Jésus la délivra de cette démon. Demain, 23 Marchevent, il devait y avoir une grande prédication sur la montagne qui domine Gabara, et des disciples avaient été envoyés pour la annoncer plusieurs jours à l'avance. De nombreuses troupes se rendirent sur cette montagne de tous les endroits situés à plusieurs lieues à la ronde et campèrent tout autour du sommet, où il y avait au haut une enceinte fermée avec une chaire en pierre, dont on n'avait pas fait usage depuis longtemps. Il vint aussi des païens de Sidessa et de la contrée Adama, qui est au bord du lac Mérom. Tous ces gens portaient avec eux des provisions de bouche en abondance, et ils amenaient un grand nombre de malades de toute espèce. Pierre, André, Jacques, Jean, tous les autres disciples, y compris Nathanaël Cazide, vinrent à Gabara trouver Jésus. La plupart des disciples de Jean et les trois fils de la sœur aînée de Marie y étaient aussi. Il y avait bien là 60 disciples, amis ou parents de Jésus. Il eut ce jour-là quelques entretiens, enseigna et guérit en divers endroits de la ville. Le reste du temps se passa en promenade et en entretien avec les amis nouvellement arrivés. Il accueilla les disciples alliés à sa famille et appartenant à son intimité, en leur prenant les deux mains et en leur donnant une accolade qui était comme un baiser fraternel. Pierre est un caractère singulier, facilement accessible à tout ce qui est bon et juste. Il est zélé et ardent au-delà de toute expression, et quand il se trompe en quelque chose, qu'il parle ou agit mal à propos, il devient au premier avertissement tout à fait timide, craintif et réservé. André procède avec calme, il a de la fermeté et de la persévérance, et ne se trouble ni ne s'inquiète aisément. L'Évangile ne donne quelques détails que sur les personnes et les disciples, dont l'individualité représente certains types dans l'Église. Tout ce qui est superflu ou fait double emploi est laissé de côté. Ainsi, les histoires de beaucoup de pécheresses ne sont représentées que par l'histoire de Madeleine. On n'y trouve non plus que quelques paroles particulièrement caractéristiques des apôtres. C'est comme lorsqu'on parle d'un homme et qu'on dit de lui, il a une tête bien organisée, un cœur tendre, des mains actives et des pieds agiles. Sa bile s'émeut facilement. On mentionne seulement ses organes caractéristiques. Mais si on parle des genoux, des épaules, des oreilles, de l'estomac, de la poitrine, on ne leur attribue pas une vertu ou un vice dominant. Ainsi, il est peu parlé de Marie, il est plus souvent question de Madeleine et de Marthe, et tout cela pour le profit et le plus grand bien des hommes de tous les temps, non de ceux d'une époque particulière. Car on passe sous silence ce qui aurait pu édifier tel siècle ou tel peuple, mais être un sujet de scandale pour les autres. Ainsi, ce qui est rapporté des prédications et des enseignements de Jésus, donne seulement les points principaux et les expressions les plus fortes d'instruction ou d'exhortation, qui duraient souvent plusieurs heures. Ce sont uniquement les résumés des doctrines qu'il exposait, des directions et des encouragements qu'il donnait en instruisant le peuple, car il enseignait ce qui était nécessaire à chaque catégorie de personnes. Et comme il revenait souvent dans les mêmes endroits, il répétait aussi les mêmes enseignements en les renforçant et en les développant. Aujourd'hui à midi, je vis Marie-Madeleine avec sa suivante faire route de Magdalome à Dana en compagnie de Marthe et d'Anne de Cléophas. Elle était assise sur un âne, car elle n'avait pas l'habitude de la marche. Elle était habillée avec élégance, mais non avec ce faste exagéré qu'elle déploya dans une occasion postérieure, lorsqu'elle se convertit pour la seconde fois. Dana peut-être à 2 lieues de Magdalome. Elle descendit dans la même hôtellerie que ses compagnes, mais prit un logement séparé et ne parla pas à Marie, ni à Véronique. La Suphanite et la Samaritaine la visitèrent tour à tour. Je les vis se traiter avec beaucoup de courtoisie et de bienveillance mutuelle. Il y avait dans son attitude vis-à-vis des pécheresses converties quelque chose de particulier. Il me semblait voir un officier retrouvant un ancien camarade qui s'est fait prêtre. Mais ce léger embarras se dissipa bientôt en larmes et en témoignages de sympathie féminine. Dans l'après-midi, je vis Madeleine, avec la Suphanite, la Samaritaine, sa suivante et Anne de Cléophas, entrer dans une hôtellerie située au pied de la montagne où devait se faire l'instruction. Les autres femmes n'allèrent pas entendre Jésus pour ne pas troubler Madeleine. Elles étaient venues à Dana parce qu'elles désiraient que Jésus vienne les voir là et n'aille pas à Capharnaüm, où les pharisiens, comme la dernière fois, s'étaient réunis au nombre de 16 environ. Ils étaient, comme alors, venus de divers endroits et demeuraient dans la même maison. Ils comptent y faire leur résidence permanente, parce que Capharnaüm est le point central des pérégrinations de Jésus. Le jeune pharisien de Samarie, qui était là l'autre fois, n'y est point cette fois-ci, il y en a un autre à sa place. À Nazareth aussi et dans d'autres endroits, ils ont formé une ligue. Les dévotes femmes et Marie surtout étaient très inquiètes, car les pharisiens s'étaient déjà exprimés publiquement en termes menaçants. Elles envoyèrent un message à Jésus pour le prier de venir les trouver à Dana après sa prédication et de ne pas aller à Capharnaüm. Il valait mieux qu'il aille à droite ou à gauche, surtout de l'autre côté du lac, dans les villes païennes, pour ne pas s'exposer au danger. Mais il leur fit répondre qu'elle devait s'en rapporter à lui sur ce qui le touchait, qu'il savait ce qu'il avait à faire et qu'il irait les visiter à Capharnaüm. Madeleine avec sa suivante, Marie la Suphanite, Dina et Anne de Cléophas, se trouvèrent le matin de bonne heure sur la montagne qui s'élevait du côté de Magdalome, entourée de plusieurs collines. Une multitude innombrable était campée tout autour et on avait apporté des vivres sur des ânes. Des malades de toute espèce avaient été amenés et placés ensemble suivant la nature de leur maladie, les uns plus près, les autres plus loin. On avait dressé, pour les mettre à couvert, des tentes légères et des cabanes de feuillage. Au point le plus élevé se tenaient des disciples de Jésus, qui assignaient à chacun sa place, avec beaucoup de bienveillance, et rendaient toute espèce de bons offices. Autour de la chaire était une enceinte demi-circulaire en maçonnerie. La chaire était abritée par une couverture, des toiles étaient tendues par endroits au-dessus des auditeurs. Madeleine et ses quatre compagnes étaient commodément placées à quelque distance. Les femmes étaient ensemble. Jésus arriva vers 10 heures avec les disciples. Les pharisiens, les hérodiens et les sadducéens vinrent en même temps. Jésus monta dans la chaire. Les disciples se tenaient d'un côté, rangés en cercle. Les pharisiens de l'autre côté. Il y eut dans l'instruction plusieurs pauses, pendant lesquelles les auditeurs se retiraient pour faire place à de nouveaux arrivants. Plusieurs choses furent répétées, et dans les intervalles, les assistants prenaient quelques rafraîchissements, Jésus lui-même prit une fois un petit goûter. La prédication fut une des plus fortes et des plus véhémentes que Jésus eut jamais faites. Avant de faire la prière, il commença par dire à l'auditoire de ne pas se scandaliser s'il appelait Dieu son Père, car, disait-il, celui qui fait la volonté du Père céleste est son Fils, et il leur montra qu'il faisait la volonté du Père. Là-dessus, il pria son Père à haute voix et commença à le prêcher la pénitence à la manière des anciens prophètes. Il embrassa tout ce qui s'était passé depuis le temps de la promesse. Il cita les menaces des prophètes et leur accomplissement, comme figure du temps actuel et de l'avenir prochain. Puis il prouva la venue du Messie par l'accomplissement des prophéties. Il parla de Jean le précurseur, qui avait préparé les voies, dit avec quelle fidélité il avait rempli sa mission et comment ils étaient toujours restés dans l'endurcissement. Il leur reprocha tous leurs vices, leur hypocrisie et leur idolâtrie de la chair et du péché. Il peignit en très plein de vivacité les pharisiens, les sadducéens et les hérodiens. Il parla avec beaucoup de véhémence de la colère de Dieu et du jugement qui approchait, de la destruction de Jérusalem et du Temple, et des malheurs qui allaient fondre sur le pays. Il cita beaucoup de passages du prophète Malachie, qu'il interpréta et qu'il expliqua. Ces textes sur le précurseur, sur le Messie, sur une nouvelle oblation sans tache, ce que j'entendis du saint sacrifice de la messe, et que les Juifs ne comprirent pas. Il parla encore du retour du Messie au dernier jour de la confiance, que devaient avoir ceux qui craignaient Dieu et des consolations qui leur étaient réservées. Il parla aussi de la translation de la grâce aux païens. Il s'adressa aux disciples, les exhorta à la fidélité et à la persévérance. Il leur dit qu'il voulait les envoyer à tous pour enseigner la voie du salut. Il ajouta qu'il ne devait pas s'attacher aux pharisiens, ni aux sadducéens, ni aux hérodiens. Il caractérisa sévèrement ceux-ci à l'aide de comparaisons frappantes, et il les désigna clairement. Cela fut d'autant plus déplaisant pour eux, que personne ne voulait accepter ouvertement la qualité d'hérodien. La plupart n'avaient que des liens secrets avec cette secte. Jésus, dans cette instruction, cita fréquemment les prophètes. Il dit entre autres choses que s'ils ne voulaient pas recevoir le salut, il leur arriverait pis qu'à Sodome et à Gomorre. Là-dessus, les pharisiens crurent pouvoir le prendre en défaut et, pendant une pause, ils lui demandèrent si cette montagne, cette ville, tout ce pays, devait être englouti avec eux tous et comment il était possible qu'il arrive quelque chose de pire. Il répondit qu'à Sodome les pierres s'étaient englouties, mais non pas toutes les âmes, car ils n'avaient pas connu la promesse, n'avaient pas reçu la loi, n'avaient pas eu de prophète. Il prononça d'autres paroles qui me parurent s'appliquer à sa descente aux enfers et à la délivrance d'un grand nombre d'âmes. Les Juifs ne comprirent pas cela, mais j'eus une joie d'enfant d'apprendre que tous ces hommes n'étaient pas perdus. Quant aux Juifs actuels, Jésus dit que tout leur avait été donné, que Dieu les avait choisis et avait fait de son peuple, qu'ils avaient reçu toute espèce d'avertissement et de remontrance, que beaucoup de promesses leur avaient été faites et s'étaient accomplies, mais que s'ils repoussaient tout cela et persistaient dans l'incrédulité, ce ne seraient pas les pierres et les montagnes, choses du domaine de leur Seigneur, qui seraient englouties par l'abîme, mais leur cœur et leurs âmes, durs comme la pierre. C'était là quelque chose de plus terrible que le sort de Sodome. Après avoir si sévèrement exhorté les pécheurs à la pénitence, et annoncé en termes si forts les jugements de condamnation, Jésus se montra de nouveau plein d'amour. Il appela à lui tous les pécheurs et versa même des larmes d'attendrissement. Il pria son Père de toucher les cœurs, ou s'il pouvait venir à lui, ne fût-ce qu'une troupe, ne fût-ce que quelques-uns, ou même un seul, quand même il serait chargé de tous les crimes imaginables. S'il pouvait seulement gagner une âme, il voulait tout partager avec elle, il voulait tout donner pour elle, il la rachèterait volontiers au prix de sa vie. Il étendit les bras vers tous, il s'écria, « Venez, venez, vous qui êtes fatigués et chargés, venez, pécheurs, faites pénitence, croyez et entrez en partage du royaume avec moi. » Il tendit aussi les bras vers les pharisiens et vers tous ses ennemis, n'y en eut-il qu'un seul qui voulut venir à lui. Au commencement, Madeleine avait pris place près des autres femmes, jouant son rôle de belle dame, de personne de distinction à ses maîtresses d'elle-même, ou du moins voulant paraître telle. Toutefois, dès son arrivée, elle s'était déjà sentie honteuse et intérieurement émue. Elle regarda d'abord autour d'elle dans la foule, mais lorsque Jésus parut et parla, ses yeux et son âme furent de plus en plus ravis. Elle fut fortement ébranlée par son exhortation à la pénitence, par sa description des vices, par ses menaces de châtiment. Elle ne pouvait pas résister, elle tremblait et pleurait sous son voile. Lorsqu'enfin il conjura les pécheurs de venir à lui en termes si affectueux et si pressants, beaucoup de personnes furent transportées. Il y eut un mouvement dans l'auditoire et la foule se porta en avant. Madeleine aussi et les autres femmes, à son exemple, se rapprochèrent de Jésus. Et lorsqu'il dit, « Ah si une seule âme voulait venir à moi !» Madeleine ressentit une telle émotion qu'elle voulut aller jusqu'à lui. Elle fit un pas en avant, mais les autres la retinrent pour ne pas causer de trouble, et lui dirent, « Plus tard, plus tard !» Son agitation excita à peine l'attention de ses voisins, parce que tous étaient comme suspendus aux lèvres de Jésus. Mais le Sauveur, ayant connaissance de l'émotion de Madeleine, lui répondit aussitôt par des paroles de consolation lorsqu'il ajouta que, quand même une seule étincelle de pénitence, de repentir, d'amour, de foi, d'espérance, serait tombée avec ses paroles dans une pauvre âme égarée, elle devait porter des fruits, elle devait vivre et prendre de l'accroissement, il voulait la nourrir, l'élever pour la ramener au Père. Ces paroles consolèrent Madeleine, elle en fut profondément pénétrée et reprit sa place parmi les autres. Il était environ 6 heures, le soleil baissait déjà et descendait derrière la montagne. Jésus, pendant son instruction, était tourné vers le couchant. C'était de ce côté que se tenait l'auditoire, il n'y avait personne derrière lui. Il pria, bénit la foule et la congédia. Il dit aux disciples d'acheter des aliments aux gens qui en avaient et de les distribuer aux pauvres et aux nécessiteux. En général, il devait acheter tout ce que les uns ou les autres avaient de trop et le distribuer aux pauvres, même de manière à ce que ceux-ci aient quelque chose à emporter avec eux. Il ne devait rien laisser perdre, mais se faire tout remettre, soit gratuitement, soit à prix d'argent, et le donner à ceux qui en avaient besoin. Une partie des disciples s'y employa aussitôt. La plupart des assistants donnèrent de bon cœur et les autres vendirent volontiers. Les disciples étaient pour la plupart connus dans le pays, ils firent ce dont ils étaient chargés avec beaucoup de charité. Ainsi les pauvres furent bien pourvus et témoignèrent leur gratitude pour la bonté du Seigneur. Pendant ce temps, les autres disciples allèrent avec Jésus près des nombreux malades qui étaient couchés sur le bord du chemin. La plupart des pharisiens et des gens de leur sorte revinrent à Gabara, scandalisés, touchés, étonnés, dépités, et Simon Zabulon, le plus considérable d'entre eux, rappela à Jésus, avant de partir, qu'il l'avait invité à souper dans sa maison. Jésus lui répondit qu'il irait. En attendant, il descendirait, pendant le chemin, ils firent tant d'observations et de critiques sur Jésus, son enseignement et sa personne, parce que chacun d'eux avait honte de laisser voir son émotion aux autres, qu'à leur retour dans la ville ils avaient tout à fait repris leur assurance et leur confiance en leur propre justice. Madeleine et les autres femmes suivirent Jésus, elles se tinrent dans la foule près des femmes malades et se montrèrent disposées à se rendre utiles selon leur pouvoir. Madeleine était très émue et les tristes spectacles qu'elle avait sous les yeux ajoutaient encore à son émotion. Jésus commença par s'occuper des hommes, ce qui dura assez longtemps. Il guérit des malades de toute espèce. L'air retentissait des cantiques de réjouissance chantés par ces gens qui s'en retournaient guéris par leurs compagnons. Lorsqu'il s'approcha des femmes malades avec ses disciples, la foule qui se portait là et l'espace qu'il fallait pour Jésus et les siens forcèrent Madeleine et ses compagnes de s'éloigner un peu davantage. Cependant, elle cherchait toujours à s'ouvrir un passage dans la foule et à se rapprocher du Seigneur, mais il se dirigeait toujours d'un autre côté. Jésus guérit quelques femmes affligées de perte de sang qui se tenaient à part, ce qui alla particulièrement au cœur de la délicate Madeleine, tout à fait étrangère jusqu'alors au spectacle des misères humaines. Quels sentiments de reconnaissance se réveillèrent dans l'âme de Marie la Suphanite, lorsque six femmes, attachées ensemble trois par trois, furent amenées à Jésus par de robustes filles qui les traînaient de force après elles avec de longues courroies. Ces malheureuses étaient horriblement possédées par des esprits impurs, ce sont les premières femmes démoniaques que j'ai vues amener à Jésus en public. Elles venaient les unes de Samarie, les autres d'au-delà du lac de Génézareth. Il y avait des païennes parmi elles. Ce n'était qu'ici au haut de la montagne qu'on les avait ainsi attachées ensemble. Elles étaient le plus souvent douces et paisibles et elles n'essayaient pas de se faire du mal les unes aux autres. Mais quand elles venaient dans le voisinage des hommes, elles devenaient furieuses, se précipitaient sur eux, criaient, étaient lancées de côté et d'autre, et se roulaient par terre dans les convulsions les plus affreuses. C'était un spectacle effrayant. On les attacha et on les tint à l'écart, pendant que Jésus prêchait, et ce ne fut que plus tard qu'on les lui amena. Lorsqu'elles s'approchèrent de Jésus et de ses disciples, elles firent une vive résistance. Satan redoutait le Seigneur et leur faisait faire des contorsions horribles. Elles poussaient les cris les plus déchirants et leurs membres se tordaient de la manière la plus affreuse. Jésus se tourna vers elles. Il leur ordonna de se taire et de rester tranquilles. Alors elles restèrent silencieuses et immobiles. Il s'approcha d'elles, les fit délier et leur dit de se mettre à genoux. Puis il pria et leur imposa les mains et elles tombèrent sous sa main dans une courte défaillance. Je vis alors l'ennemi sortir d'elles comme une sombre vapeur. Elles furent relevées par le proche, et se tinrent voilées et fondant en larmes devant Jésus, après quoi elles se prosternèrent à ses pieds et lui rendirent grâce. Jésus les exhorta à se convertir, à se purifier et à faire pénitence, afin de ne pas retomber dans un état encore plus affreux. Le jour tombait déjà et Jésus, accompagné de ses disciples, descendit à Gabara. Plusieurs groupes de personnes et aussi quelques-uns des pharisiens allaient devant et derrière lui. Pour Madeleine, livrée tout entière à ses impressions et ne tenant aucun compte du reste, elle le suivait de près dans la foule des disciples et les quatre autres femmes en faisaient autant à cause d'elle. Elle cherchait toujours à être aussi près de Jésus que possible. Comme c'était là quelque chose de tout à fait contraire à l'usage pour des femmes, quelques-uns des disciples en parlèrent à Jésus. Mais il se retourna et dit, « Laissez-les faire, ce n'est pas là votre affaire. » Jésus arriva ainsi à la ville et quand il fut près de la maison destinée aux fêtes publiques dans laquelle Simon Zabulon avait fait préparer le repas, il trouva le vestibule rempli de malades et de pauvres qui étaient entrés à son approche. Ils implorèrent l'assistance de Jésus qui se rendit aussitôt près d'eux, les exhorta, les consola et les guérit. Pendant ce temps Simon Zabulon vint avec quelques autres pharisiens et dit à Jésus qu'il était temps qu'il vienne au repas, qu'on l'attendait, qu'il avait fait bien assez de choses aujourd'hui et que ces gens pouvaient être remis à une autre fois. Mais Jésus lui dit que c'était là ses hôtes, à lui, ceux qu'il avait invités et qu'il devait d'abord assister, qu'en invitant Jésus, Simon avait aussi invité ceux-ci, et qu'il n'irait à son repas qu'après les avoir secourus et avec eux. Là-dessus les pharisiens furent obligés de se retirer et de faire dresser des tables pour les malades guéris et les pauvres dans les salles qui entouraient le vestibule. Jésus les guérit tous. Les disciples conduisirent ceux qui voulurent rester aux tables qu'on avait dressées pour eux, et on leur alluma des lampes. Madeleine et ses compagnes avaient suivi Jésus jusqu'ici, et elles se tenaient dans une partie du vestibule qui touchait à la salle du banquet. Cependant Jésus vint se mettre à table avec une partie des disciples. C'était un festin opulent et Jésus envoya souvent ses disciples pour porter différents mets aux tables des pauvres qu'il servait et avec lesquels ils mangèrent. Il enseigna pendant le repas et les pharisiens se disputèrent vivement avec lui. Madeleine s'était approchée de l'entrée de la salle avec ses compagnes, elle s'avançait toujours davantage et les autres femmes la suivaient à quelque distance. Enfin elle entra, humblement inclinée, la tête voilée, tenant à la main un petit flacon de couleur blanche, qui était bouché avec un paquet d'herbes. Elle vint d'un pas rapide se placer derrière Jésus et lui versa le flacon sur la tête, puis elle prit à deux mains l'extrémité de son long voile, qu'elle passa sur la tête de Jésus, comme si elle eût voulu lui lisser les cheveux et les essuyer. Ayant fait tout cela très vite, elle se retira quelques pas en arrière. La conversation qui était très animée fut interrompue. Tout le monde gardait le silence, regardant Madeleine et Jésus. L'odeur du parfum se répandait dans la salle. Jésus était calme, mais plusieurs secouaient la tête, regardaient Madeleine d'un air mécontent et chuchotaient. Simon Zabulon paraissait particulièrement irrité et Jésus lui dit « Je sais quelles sont tes pensées, Simon. Tu penses qu'il n'est pas convenable que je me laisse oindre la tête par cette femme. Tu te dis que c'est une pécheresse, mais tu as tort. Car son affection l'a poussé à faire ce que tu as négligé. Tu ne m'as pas témoigné les égards d'un autre. » Alors il se tourna vers Madeleine, qui se tenait encore là debout et dit, « Allez en paix. Il vous est beaucoup pardonné. » Sur quoi Madeleine revint près des autres femmes et elles quittèrent la maison. Jésus parla d'elle aux convives, dit qu'elle était bonne et très compatissante. Il parla des jugements qu'on porte sur autrui, de la facilité avec laquelle on condamne des fautes connues et publiques, tandis que souvent on en cache de beaucoup plus grandes dans le secret de sa conscience. Il enseigna encore assez longtemps, puis il revint à son logis avec les siens. Madeleine avait été profondément remuée par tout ce qu'elle avait vu et entendu. Elle était vaincue intérieurement et parce qu'il y avait en elle une certaine ardeur de dévouement et de générosité, elle avait voulu honorer Jésus et lui témoigner combien elle était touchée. Elle avait vu avec peine que pour lui, le plus admirable, le plus saint, le plus éloquent des prédicateurs, le plus compatissant et le plus secourable des thaumaturges, il n'y avait eu de la part de ces pharisiens aucun hommage, aucune distinction particulière, ni lorsqu'ils l'avaient reçu comme leur hôte, ni pendant le repas qu'ils lui avaient donné. Elle se sentit intérieurement poussée à suppléer, elle seule, à tout ce qu'ils avaient omis, car elle n'avait pas oublié les paroles de Jésus, « Quand il n'y en aurait qu'un seul qui fût touché et qui vint à moi. » Elle portait habituellement le flacon avec elle, grand comme la main, dont elle s'était servie. Elle portait un vêtement de dessus blanc, brodé de grandes fleurs rouges et de petites feuilles. Il avait de larges manches froncées, retenues par des bracelets, s'étalaient amplement sur le dé et tombaient tout d'une pièce, sans être assujettis à la taille. Il était ouvert par devant et attaché seulement au-dessus des genoux par des cordons ou des courroies. La poitrine et le dés étaient couverts d'une pièce d'étoffe ornée de nœuds et de bijoux, placés sur les épaules en forme de scapulaire et attachés par côté. Là-dessous était une autre robe bariolée. Cette fois son voile qu'ordinairement elle repliait autour du cou, se déployait dans toute sa longueur. Sa taille était au-dessus de l'ordinaire, quoique ayant de l'embonpoint, elle était pourtant svelte. Elle avait des doigts très menus et très effilés, de petits pieds très minces, une démarche noble, une chevelure très belle et très abondante. Les dévotes femmes sont allées au bain de Béthulie, un lieu plus loin que Dana. Il y a dans la vallée sur le bord septentrional du lac, une série de maisons où Jésus passa la nuit la dernière fois qu'il se rendit à ses bains, venant de Capharnaüm. De ce côté sont aussi les logements des femmes qui prennent les bains. Les dévotes femmes sont parties hier de Dana pour aller là à la rencontre de Madeleine et de ses compagnes. Elles occupèrent ici une longue salle. Il y avait une lampe et avec des couvertures, les compartiments ou des sièges que on couchait étaient séparés par des rideaux. Marthe et une autre des dévotes femmes allèrent hier soir avec un âne au devant de Madeleine à mi-chemin de Gabara. Elles étaient à une lieue environ de cette ville. Hier soir et cette nuit, je vis Madeleine avec les dévotes femmes. Marie aussi s'entretint avec elle. Celle-ci parla de la prédication de Jésus, les deux autres de l'hommage que lui avait rendu Madeleine, et de ce que le Sauveur avait dit. Je vis les dévotes femmes aller et venir et s'entretenir ensemble, Madeleine restait assise le plus souvent. Toutes la prièrent de rester avec elle, ou au moins de venir passer quelque temps à Béthanie, mais elle répondit qu'il lui fallait retourner d'abord à Magdalum pour mettre ordre à sa maison. Cela ne leur plaisait pas. Du reste, elle ne cessait de parler de son émotion, de la majesté de Jésus, de son pouvoir, de sa douceur et de ses miracles. Elle sentait qu'elle devait le suivre, qu'elle menait une vie indigne d'elle. Elle voulait se réunir aux autres. Elle était très recueillie et très pensive, et pleurait souvent, mais elle avait le cœur allégé et rasséréné. Malgré les instances qu'on lui fit, elle voulut retourner à Magdalum avec sa suivante. Marthe l'accompagna quelque temps, puis elle rejoignit les dévotes femmes qui s'en revenaient à Capharnaüm. Madeleine, je le crains bien, retombera encore car je l'ai vue plus tard montrer bien de l'orgueil et de la mauvaise humeur, lorsqu'elle alla avec Marthe entendre prêcher Jésus sur la montagne voisine de Dothaïm. Ce fut là qu'elle se convertit. Elle est plus grande et plus belle que les autres femmes. Dina la Samaritaine est belle aussi, mais bien plus active et plus remuante que Madeleine. Elle est très vive, très affable et très serviable en toute occasion. On dirait d'une servante alerte, avisée et prévenante. Elle est, avec cela, pleine d'humilité. Mais la Vierge les dépasse toutes en merveilleuse beauté, quoiqu'elle ne soit point sans égale pour les avantages extérieurs, et que Madeleine ait dans les traits quelque chose de plus frappant, cependant il y a chez elle une pureté, une simplicité, une naïveté, une gravité, une mansuétude inexprimable qui la met hors de toute comparaison. Elle est si merveilleusement pure, si inaccessible à toute impression étrangère, qu'on ne voit elle que l'image de Dieu réfléchie dans l'humanité. Personne n'a de ressemblance avec elle, si ce n'est son Fils. Sa physionomie se distingue de celle des femmes qui l'entourent et de toutes celles que j'ai jamais vues, par une expression de candeur, d'innocence, de gravité, de sagesse, de paix et d'amabilité douce et recueillie qu'aucune parole ne peut rendre. On voit en elle une incomparable majesté et la simplicité innocente d'un enfant. Elle est très sérieuse, très calme, souvent triste, jamais abattue ni agitée. Les larmes coulent doucement sur son visage paisible.